μαζί πάνω. Κλείνει φάση από παμάκι, σ' άκου φάλε στην καφάν. Ρφίλα σαν απίτερα σε σκέφα πάντα στάν. Κόμμα στάρα νερφα άμα φάνει τάλα φέτει λάν. Σου λέω σπίκι την κάρα για την άρα. Λέω σι πόκε εν η πόπα, αν σου πόπι σε νη πλάρα. Φέτει πάρει σε νη τόξο κόμμα στάι. Σέκο σκάβα φάνει τάλ, yeah. Αν χίτσου γράφε σαν αφάν του μετάλ, yeah. Check it was on the story as the court. Easy but to do most my baby in a horse. Build the sport and a fear. Of such a money price on my beer. Of who's the open up, says it here. Says it here. As the day don't the know, don't the know. Of one the truth, one the truth. And funny jokes, funny jokes. In the real old, the good old, the true. And he's a marathon. So go my step, but I'm on glass. Go my step. As she bang, as she bang. Get your cats for the plan. Of as she has crack. Oh, my club back to drug. Go my schein, go my schein. Where I yield word. Dan vergeet om ons te heet, huh? Kijk hulle hier buiten, gedood net soos lijken. Nou meer as julle talented, as het julle ons gelijk. Nieuwe level en ons tijd, julle loop aan in het dijk. Dus able op een song, julle lippen trek en stijf. Imperium is tijd, ons murder societies. Hier die swag rappers uit, een revolutie op die stage. Hou Imperium op wees, waar die enemies ons face. Dus een spiel wat je in kijk, onze mission is aan breed. Is die stad van roze, trek je onkreet tijd. Ongelukkig is het jij, wat ons in die skelm heet. Positiviteit, op een Imperium mixtape. Ja, die waarheid kan je hoor, soos die sound kwaliteit. Ons ervaar geen skeevigheid, een kleine sommerstreet. Rechts bring die banda, kom eens gaan daar. Is je bang, get your cats for die plan. Of is je geskrik, om het te pak te druk. Kom eens gaan, door die heel voor.